Amis humains, bonjour. Conscience de Pierre J.C. Allard. Peut-on aller plus loin dans l'ouverture à tout et se distancer même de son identité? Non. On ne peut pas plus se distancer de son identité qu'une chose de son ombre, car l'identité suit la conscience, laquelle se crée au contact d'un « non-moi » complémentaire et est incessamment enrichie de la séquence des perceptions de leur interaction. De la perception de l'altérité naît toute conscience dont la « conscience de soi ». La conscience, qui ne se définit pas, mais dont le constat peut se décliner comme on veut, au gré d'une infinie et éternelle tautologie. On ne peut choisir de se distancer de l'identité qu'on se perçoit, mais celle-ci, se transformant sans cesse, ne peut avoir d'autre permanence qu'une perception de ce changement. La conscience de soi se confond ainsi avec la conscience du changement lui-même et n'a pas d'autre substance. Ce qu'on appelle « être » est en réalité « devenir ». Un flux. La conscience est une chaîne de pensée, dont rien ne prouve qu'elle ait une autre cohérence que son déroulement même. Existe-t-il vraiment un observateur sujet ou seulement une séquence d'observation dont il est le produit plutôt que la source? Ce qu'on appelle « identité » ne serait-il pas une simple « identification » éphémère de la conscience à son objet dans l'instant même? Le rôle de la notion d'identité découlant de ce déroulement d'observation ne serait-il donc alors que l'équivalent mnémonique de la persistance rétinienne, une illusion de la conscience pour que puisse coexister son désir de maintenir une cohérence, de continuer, d'être dans la durée et cet autre désir qui est de changer, de vivre, de réaliser toutes les combinaisons du possible. Ne nous y trompons pas, ces deux désirs, pulsions, sont antithétiques. De la rapide succession des pensées-images, la conscience fait un film. La réalité de la conscience, ce sont ses pensées-images, mais son attachement est au « film », au déroulement, à cette identité, qui pourtant n'est pas cause, mais effet, pure création et infiniment éphémère. L'identité à laquelle la conscience s'attache freine le déroulement spontané du film et est donc la source de son insatisfaction. On ne peut se détacher de son identité, mais on peut accepter qu'elle se détache de soi. Ce détachement ne délivre pas la conscience de la nécessité de l'identification, une libération qui serait un impossible choix du néant. Mais permet seulement la transformation sans douleur de l'identité. L'identité acceptée comme éphémère, l'observateur devient alors toujours un avec l'objet observé dont il tire sa seule substance et qu'il perçoit comme son observation même s'il sait sans que c'est lui qui est cela, TATTVAMASI, et rien d'autre. Par Pierre J.C. Allard. Vous écoutez Radio Parasite. À bientôt. Et grosse bise numérique. This is